Charo piraterie, Charo gang, la piraterie, Charo c'est Charo. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Il raconte que de la merde, regarde nous embrasse encore. Le jour de paix, j'suis avec mon gang. On fume de l'herbe, j'suis avec mon gang. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Il raconte que de la merde, regarde nous embrasse encore. Avec Chinese, on t'en mettra une dans la tête. Le lendemain, je me bugatise. Bugatisé dans le haut air. Alors que partout, c'est la crise. Mets-toi dans le fion, ta récession. J'ai le flot, t'as le son, t'as les sessions. T'es en face sur le ring, t'as les lésions. King partout, toutes les régions. J'suis posé dans le coupé. Y'a une choix et mon genou. Pas besoin de te faire un dessin. Bro, il m'a donné son boule. Plus la cour de récréation. Entouré de mes goons. Alors quand j'entends une réaction. De mauvais garçons dans la foule. Swag de salaud, coup de cash, salaud, pète, allons. J'tombe à l'hélico dans le bendo, viens sous ces négros, Monte Carlo. Y'a Charclo, Charlo, nous c'est Charo. Y'a Charclo, Charlo, nous c'est Charo. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Il raconte que de la merde, regarde, nous on brasse encore. Le jour de paye, j'suis avec moi.